بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله متخشى فخير سور. Aujourd'hui le vendredi 29 رمضان de l'année 1441 de l'Hégire, correspondant au 22 mai 2020. Nous nous retrouvons pour poursuivre ensemble, bidnillahi ta'ala, notre lecture dans le livre de l'imam, Ibn Kathir, rahimahullah, qui s'intitule « Al-Fusulu fi sirati al-Rasul ». Et dans le cours dernier, nous avons parlé de la bataille de Bani al-Mustaliq, la bataille de Banu al-Mustaliq, de Bani al-Mustaliq. Et nous avons vu que cette bataille a eu lieu dans le mois Sha'ban de l'année 5 de l'Hégire, dans la vie le plus juste parmi les avis des savants, entre autres l'imam al-Bukhari rahimahullah. Et nous avons vu que dans cette bataille, le prophète alayhi salam a attaqué cette tribu sans laisser aucun signe qui leur permet de prévoir son attaque ou de se préparer. C'est pour ça qu'il les a surpris alors qu'ils étaient dans une insouciance totale. C'est pour ça que les musulmans dans cette bataille ont pu prendre comme des prisonniers de guerre une centaine de familles, à peu près 700 personnes qui ont été prises comme des prisonniers de guerre. Mais subhanallah, c'était un bien pour ces gens-là, qu'il n'y a pas eu de combat. Parce que il y aurait eu des morts parmi eux, et peut-être des morts parmi les musulmans. Et les morts parmi les musulmans, ce sont des martyrs au paradis, et les morts parmi les kuffars seront éternisés en enfer, wal'iyadu billah. Car c'est une tribu à qui la da'wa a été faite. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il est arrivé, sans les avertir, il les a attaqués. Sinon, il aurait fait une da'wa avant de les attaquer. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait dans les batailles. Il commençait, et comme il a enseigné à ses compagnons, on commence par proposer l'islam. S'ils l'acceptent, c'est ça qui est voulu. S'ils le refusent, s'ils font partie des gens qui peuvent rester sur leur religion, tels que les juifs et les chrétiens et el-Majous, dans un avis, parmi les avis des hommes de science, alors ils doivent acquitter une aumône pour le musulmane annuelle. Et ils restent dans leur pays, et ils ont l'assurance et la garantie de pratiquer leur religion, mais ils ne s'opposent pas à la da'wa. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait lui-même, fait le Medina, et dans d'autres endroits. Et s'ils refusent les deux, alors il y a la troisième option, c'est le combat. Il n'y a que cela. C'est pour ça que les savants ont expliqué pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a surpris la tribu de Banu al-Mustaliq. Pour ces raisons que je viens de citer. C'est que la da'wa leur a été déjà faite, et ce sont une tribu qui a combattu l'islam aux côtés de Quraysh dans la bataille de Uhud. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pris, comme on a vu, il a pris à peu près 2000 chameaux dans le butin et 5000 brebis et à peu près une centaine de familles, de foyers, ni environ 700 personnes. Mais subhanallah, c'était un bien, comme je disais, pour eux, que cette bataille s'est déroulée ainsi et qu'ils étaient pris comme prisonniers de guerre, ils n'étaient pas tués. Et ils n'ont été tués qu'une dizaine de personnes dans cette bataille qui ont résisté et qui ont combattu. Mais les autres, la plupart, ils étaient surpris et ils n'ont pas combattu. Ils se sont rendus sans combat. Et par la suite, Nabi alayhi salallahu alayhi wa sallam a épousé, comme on a vu, la fille du maître de cette tribu, qui s'appelle Al-Harith ibn Abi Dirar. Sa fille, c'est Jouayriya bintul Harith ibn Abi Dirar, la mère des croyants. Et Jouayriya radiallahu anha, c'était une femme d'une origine noble. Et quand ils ont, les muslimines, ont réparti les butins, elle était dans la part d'un compagnon qui s'appelle Thabit ibn Qais ibn Shammas radiallahu anhu. Et Thabit ibn Qais ibn Shammas, un des annoncés au paradis. Il ne fait pas partie des 10, mais c'est un compagnon à qui le Nabi alayhi salam a annoncé le paradis. Et son histoire, rapidement, c'est que Thabit radiallahu anhu avait une voix très forte. Et quand Allah Azza wa Jal a révélé dans Sourate Al-Hajurat l'interdiction d'hausser la voix, que les croyants haussent la voix au-dessus de la voix du prophète alayhi salatu wa salam, Thabit radiallahu anhu a eu peur que toutes ses œuvres deviennent caduques. Il a eu très peur, radiallahu anhu. Il est resté chez lui. Il ne sortait plus. Subhanallah. Sahaba, radiallahu anhu, comme ils sont. Et il est resté chez lui, il ne sortait plus. Nabi alayhi salam l'a perdu de vue. Il a demandé de ses nouvelles. Ils lui ont dit au messager d'Allah, quand Allah a révélé le verset dans lequel il est interdit d'hausser la voix, comme Allah Azza wa Jalla dit, Ya ayyuha alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas la voix au-dessus de celle du prophète, ni ne haussez le ton en lui adressant la parole, comme vous le faites vous-même les uns avec les autres, ou alors vos œuvres deviendraient vaines et caduques sans que vous nous puissiez le sentir. Donc Thabit radiallahu anhu a eu très peur quand ce verset a été révélé et il ne sortait plus de chez lui. Car lui, il avait une voix, naturellement il avait une voix, Allah lui avait donné une voix très forte quand il parle. Et ensuite, Nabi alayhi salam, quand il a su ça, il leur a dit, dites-lui de venir et dites-lui qu'il fait partie des gens du paradis et non pas des gens de l'enfer. Radiallahu anhu. Donc quand ils ont réparti le butin, Jouayri radiallahu anhu était dans la part de Thabit ibn Qais radiallahu anhu. Et il s'est mis d'accord avec elle. Yani quand t'as un esclave, tu peux lui demander une somme d'argent contre son affranchissement. C'est ce qu'on appelle Mukataba. Et c'est ce qu'il lui a demandé. Il s'est mis d'accord avec elle sur une somme afin qu'elle soit affranchie. Et Jouayri radiallahu anha est venu voir le messager alayhi salatu wassalam. Et elle lui a expliqué sa situation. Elle lui a expliqué également son statut. Et elle lui a demandé de l'aider afin de payer cette somme. Nabi alayhi salam lui a dit, je vais te proposer quelque chose de meilleur. Est-ce que t'accepterais que je t'épouse? Et elle a accepté, radiallahu anha. Et comme j'ai dit hier, son père est venu voir Nabi alayhi salatu wassalam et il lui a demandé de libérer sa fille et de ne pas la garder comme épouse. Nabi alayhi salatu wassalam lui a dit, vois avec elle, si elle veut être libérée, je la libère. Et quand il était voir avec sa fille, subhanallah, elle a préféré rester avec Nabi alayhi salatu wassalam. Et ensuite, quand les compagnons ont su que Nabi alayhi salatu wassalam a épousé Jouayriya radiallahu anha, donc par rapport à sa tribu, la tribu de Jouayriya, c'est les gendres du prophète alayhi salatu wassalam, sont devenus les gendres du prophète alayhi salatu wassalam. Et ils n'ont pas pu les garder comme prisonniers, et ils les ont tous libérés gratuitement pour Allah Azza wa Jal. Et subhanallah, ça, c'était une cause, ce bon comportement, c'était une cause que toute la tribu est entrée dans l'islam. C'est pour ça, Aïcha radiallahu anha, elle disait, il n'y a pas une femme qui est d'une plus grande bénédiction pour sa tribu que Jouayriya pour sa tribu Banu al-Mustaliq. Car elle était la cause de tout ce bien pour eux. Yani, ils ont, par sa cause, ils ont eu un lien avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Ils sont devenus de sa famille, ses gendres. Et par sa cause, ils étaient tous libérés gracieusement. Et par sa cause, ils sont entrés tous dans l'islam. Quelle baraka, comme puisse égaler cette baraka. C'est pour ça, Aïcha radiallahu anha a dit cette parole. Et on a vu que les munafiqin plus les muslimin avancent dans leur conquête et puis l'état de l'islam s'élargit et puis la puissance des muslimin augmente, plus ça met en colère les munafiqin et ça leur donne une rage. C'est pour ça, pendant cette bataille, sur le chemin de retour vers le Madina, les munafiqin ont essayé à deux reprises de créer des divisions et des dissensions et des troubles dans les rangs de muslimin. La première tentative, c'est ce que j'avais abordé hier brièvement, comme il ne restait pas beaucoup de temps, c'est ce qui est arrivé quand Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, la tête de l'hypocrisie, sur le chemin de retour, il a parlé avec une parole. Il a dit, « La tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu min hawlih. » Donc il a dit, ne dépensez pas vos biens et ne donnez pas vos biens au messager d'Allah afin que ceux qui sont autour de lui se dispersent, afin que ceux, ne dépensez plus vos biens en faveur du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, afin que ceux qui sont autour de lui se dispersent. Et un sahabi qui s'appelle Zayd ibn Arqam, qui était un jeune compagnon, il était jeune dans l'âge, radiallahu anhu, il a entendu cette parole de la bouche de la tête de l'hypocrisie. Et il a entendu également de lui dire, « La irraja'na ila al-madinati » لا يخرجن الأعز منها الأذل. Il a dit, si on est de retour à Médine, le plus puissant sortira le plus humble. Et il voulait par le plus puissant lui-même et ceux qui sont avec lui parmi les hypocrites, et par le plus humble le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Yani, celui qui n'est pas fort, qui n'a pas de puissance. Et lui, c'est lui qui a la puissance, d'après lui. Donc, Zayd ibn Arqam radiallahu anhu a entendu ces paroles de la bouche de ce grand ennemi d'Allah. Et il a cité ce qu'il a entendu, il l'a dit à son oncle, ou il l'a dit à Omar ibn al-Khattab. Il y a deux versions. En tout cas, il l'a dit à un compagnon, et que ce compagnon l'a raconté au prophète alayhi salatu wa salam. Le Nabi alayhi salatu wa salam a fait appel à Zayd radiallahu anhu et lui a demandé de lui raconter ce qui s'est passé, et il lui a raconté ce qu'ils ont dit. Et ensuite, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul est venu voir le prophète alayhi salatu wa salam, et il a commencé à jurer qu'il n'a jamais dit ces paroles. Et le Nabi alayhi salatu wa salam a démenti Zayd radiallahu anhu. Yani, car c'était un jeune, et Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, c'est un homme âgé, tout ça. Et Zayd radiallahu anhu, il a dit, je suis resté dans ma maison, et j'ai été touché par une tristesse et une dureté que je n'ai jamais connue dans ma vie. Vous imaginez, il a entendu, mais il n'avait pas de preuves. Et le munafiq, il a juré par Allah. Il a juré par Allah qu'il n'a jamais dit. Et Nabi alayhi salam, a accepté de lui. Car il a juré par Allah. Et par la suite, Allah azza wa jal a révélé les versets dans sourate al-Munafiqoun, dans lesquels il a donné raison à Zayd radiallahu anhu, et il a montré le mensonge de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, ce munafiq et ce menteur, et qu'il a menti, et qu'effectivement il avait dit ces paroles. Allah azza wa jalla a dit, إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Quand les hypocrites viennent te trouver, ils disent, nous attestons que t'es le messager d'Allah, mais Allah sait que t'es son messager. Il atteste que les hypocrites sont des menteurs, jusqu'à ce que Allah azza wa jalla dit, هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. Ce sont eux qui disent, ne dépensez plus de vos biens en faveur de ceux qui sont toujours auprès du messager d'Allah. C'est ainsi seulement qu'ils finiront par se disperser autour de lui. C'est à Allah qu'appartient les trésors des cieux et de la terre, mais les hypocrites, eux, ne le comprennent pas. Et ils disent, si nous revenons à Médine, le plus puissant en chassera le plus humble. C'est pourtant à Allah qu'appartient la puissance, à son messager, aux croyants, mais les hypocrites ne le savent pas. Donc Allah Azza wa Jal a donné raison à Zayd radiallahu anhu, et il a montré le mensonge de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Et Nabi alayhi salatu wa salam, quand il voyait Zayd par la suite, il disait, c'est ce jeune homme dont Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé sa véracité et a confirmé sa véracité. Une autre histoire qui a eu lieu, toujours des hypocrites, c'est que sur le chemin de retour toujours, il y a deux jeunes hommes, ils étaient jeunes dans l'âge. Un parmi les muhajirines et l'autre parmi les ansars. Un parmi les émigrés et l'autre parmi les auxiliaires. L'ansari a dit, et le muhajiri a donné un coup. Le muhajiri a donné un coup à l'autre compagnon ansari. Et il lui a donné un coup au niveau de ses fesses, Yani, il l'a frappé au niveau des fesses. Et comment il l'a frappé? Est-ce qu'il l'a frappé avec sa main, ou avec son pied, ou avec quelque chose qu'il avait dans la main? Mohem, en tout cas, il lui a donné un petit coup. Il s'amusait avec lui. Il rigolait avec lui. Il rigolait avec lui, il lui a donné ce petit coup, yani, au niveau des fesses. Et l'Ansari n'a pas supporté ça. Radiallahu anhu. N'a pas supporté ça. Et il a dit, il a fait appel à tous les Ansar. Et le Muhajiri a fait appel également à tous les Muhajirin. Et c'est là où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ça, il a dit, ma balu da'wa al-jahiliya. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est posé la question. Yani, c'est quoi cet appel? Cet appel de l'jahiliya. C'est quoi cet appel de l'jahiliya? L'un a dans l'apparence, celui-là appelle son clan, l'autre appelle son clan. Yani, c'est l'appel de l'jahiliya. Chacun appelle son clan. Mais comme on va voir, ça c'est pas un jugement absolu. Tu peux faire appel à ton clan dans le bien et dans la vérité. Et ça, ça ne fait pas partie de l'appel de l'jahiliya. Mais l'appel de l'jahiliya, c'est quand t'appelles ton clan, yani pour t'assister et te soutenir dans une injustice que t'as commis. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est posé la question. Il a dit, c'est quoi ça? Et ils lui ont expliqué que l'émigré a donné un coup sur le postérieur de l'Ansari. Et l'Ansari a demandé la vengeance. Il a demandé à être vengé et à prendre son droit. Et ça, c'est totalement son droit. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on lui a expliqué ce qui s'est passé, il a dit, دعوها فإنها منتنة. Il a dit, délaissez ça. Délaissez ça, car c'est mauvais. Khabitha. Dans une riwaya khabitha. Et dans cette riwaya montina. Car c'est puant. Et c'est mauvais. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il parlait de ce coup qui a été donné. De ce coup qui a été donné. Car ça crée que des problèmes. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, yani, malgré que c'est un simple fait, un jeune homme, il a donné un coup à un jeune homme, il voulait s'amuser avec lui, l'autre l'a mal pris, il a demandé à être vengé, ce qui est totalement son droit. Donc, au pire, il y aura vengeance. Et ça s'arrête là. Ou il pardonnera, et ça sera meilleur pour lui. En tout cas, c'est un simple fait. Mais regardez comment le munafiqin, et ça, dans ça, wallahi, mes frères, mes sœurs, il y a des grandes leçons à tirer pour nous. Quand il y a des intrus qui rentrent dans les rangs de Ahl Sunna wal Jama'a et qui visent à les diviser. Regardez comment le munafiqin, ils vont profiter de ce fait pour créer un grand problème. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, quand il a entendu qu'un émigré a frappé un parmi l'Ansar, les siens, yani lui c'est un Médinois, il a dit cette parole. Il a dit, quand nous serons de retour à Médine, le plus puissant sortira le plus humble. Donc si vous entendez ça, vous pouvez croire qu'il vise l'émigré qui a donné le coup. Mais lui, il visait le prophète, alayhi salatu wassalam. Il visait le prophète, alayhi salatu wassalam. Et quand Omar, radiallahu anhu, a entendu ce qu'a dit cet ennemi d'Allah, il a dit au messager d'Allah, laisse-moi couper son cou, couper sa tête. Le Nabi, alayhi salatu wassalam, a dit non, ne le fais pas, car sinon les gens vont parler que Mohammed tue ses compagnons. Car cet hypocrite, dans l'apparence, c'est un compagnon. Il prie dans la mosquée avec le Nabi alayhi salam, et il sort avec lui dans ses batailles. Donc, c'est un compagnon dans l'apparence. Donc, si le Nabi alayhi salam le tue, les gens qui ne sont pas encore entrés dans l'islam, les tribus, tout ça, quand ils entendront que le Nabi alayhi salam a tué quelqu'un qui se dit musulman, ils vont croire que le prophète alayhi salam tue ses compagnons, tue le muslimin. Et ça peut faire fuir des gens de l'islam. Et c'est pour cette raison que le Nabi alayhi salam a délaissé son châtiment. Et subhanallah, comment le Nabi alayhi salam a réglé ce problème? Une grande sagesse. Donc là, vous imaginez l'ambiance qu'il y a entre les deux clans, le Muhajirin et l'Ansar, suite à tout ce qui a été dit. C'est très très tendu. Et ils sont sur la route vers le Medina. Yani, chacun sur sa monture ou là à pied. Qu'est-ce que le Nabi alayhi salam a fait? Il les a occupés d'une manière extrêmement intelligente. Il a ordonné à ce qu'on marche rapidement vers le Medina et il a continué à marcher vers le Medina ou ceux qui étaient à dos de monture pendant toute la journée et la nuit également et la matinée du lendemain. Alors que d'habitude, ils marchent à peu près une quarantaine de kilomètres, ils se reposent. Mais là, ils ont marché trois fois la distance habituelle sans se reposer. Et ça, c'était pour les préoccuper et pour les fatiguer avec le trajet. Comme ça, ils vont pas rester dans le problème d'Al Muhajiri et l'Ansari. Effectivement, ça a donné ses fruits. Ils étaient très très fatigués. Et quand ils se sont arrêtés pour le repos, ils se sont endormis tous d'un coup, tellement ils étaient épuisés, exténués. Et le Nabi alayhi salam a fait ça afin, quand ils s'arrêtent, c'est pas à nouveau ils vont aborder ce sujet et commencer à en parler. Et l'ennemi d'Allah, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, il alimente les sentiments du clan et il crée des problèmes entre les deux. Et quand il est arrivé, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il est arrivé à Medina, subhanallah, le fils de Abdullah ibn Ubay ibn Salul est venu voir le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, il a empêché son père d'entrer à Médine. Il lui a dit, tu n'entreras pas à Médine jusqu'à ce que tu reconnais que c'est le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam qui est l'A'az et c'est toi qui est l'A'zal. C'est le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam qui est l'A'az et c'est toi qui est l'A'zal. C'est lui le plus puissant et c'est toi le plus humble. Et il l'a fait, il l'a reconnu, et ensuite il a laissé entrer à Médine. Et par la suite, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, son fils, un grand compagnon, il est parti voir le Nabi alayhi sallam, il lui a dit, ô messager d'Allah, par Allah, tous les gens de Médine savent qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus bon envers son père que moi avec Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Sa bonté vis-à-vis de son père. Il lui a dit, avec le mal qu'il t'a fait, si tu veux, ordonne-moi que ce soit moi qui le tue. Que ce soit moi qui le tue. Car, au messager d'Allah, je crains, si tu ordonnes à un autre homme de le tuer, et que par la suite je ne pourrai pas supporter de voir celui qui a tué mon père marcher sur terre vivant, et que je me venge de lui que je le tue, et que ce sera une cause avec laquelle Allah m'enverra en enfer. Alors si tu veux ordonner à ce qu'on le tue, ordonne-le-moi, moi, je m'en charge tout de suite. Nabi alayhi salallahu alayhi wa sallam lui a dit non, on patiente avec lui et on lui tient bonne compagnie. Il a ordonné à son fils également de rester bon envers son père. Donc ça c'est le premier, la première chose qui a été faite par le munafiqin dans le sur le chemin de retour. Et on a vu la deuxième qui est encore beaucoup plus grave, qui a été faite par ses ennemis d'Allah sur le chemin de retour vers le Médina. Et cette histoire, c'est ce qui a été appelé Qissatul Ifk, l'histoire de la calomnie qui a été faite au sujet de la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha. Donc on a parlé brièvement également de cette grande calomnie qui a été faite à l'encontre de la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, et on a vu que sur le chemin de retour de Bani al-Mustaliq, les musulmans se sont arrêtés pour se reposer et ils ont fait descendre Aïcha radiallahu anha de sa monture. Et elle était dans une forme de litière. Elle était dans une forme de litière sur son chameau. Et il faisait ça afin de protéger la femme, du soleil, tout ça, et même des regards des gens. C'est une protection pour la femme. Et ils ont descendu son, qu'on appelle le Haoudaj. Ils ont descendu son Haoudaj. Et, radiallahu anha, elle est partie faire ses besoins. Et à son retour, elle a réalisé qu'elle avait perdu un collier. Qu'elle avait perdu un collier. Et en plus, ce collier ne lui appartenait pas. C'était sa sœur qui lui avait prêté ce collier. C'est sa sœur qui lui avait prêté ce collier. Et donc, elle est retournée au même endroit et elle a continué à le chercher jusqu'à ce qu'elle l'a retrouvé. Et ensuite, elle est revenue vers l'endroit où étaient les musulmans. Mais à son arrivée, elle était surprise que tout le monde était parti. Et ils ont pris son haoudaj, ils l'ont placé sur sa monture à plusieurs hommes fort, et ça c'est ce qui explique pourquoi ils n'ont pas senti qu'elle n'était pas dedans. Eux, ils pensaient qu'elle était dedans. Et Aïcha, radiallahu anha, quand ça s'est arrivé, elle avait 14 ans à peu près. Elle était encore très mince, comme elle disait elle d'elle-même, qu'elle n'avait pas encore pris du poids. Elle était mince, radiallahu anha, légère. Et en plus, c'était plusieurs hommes. Donc ils n'ont pas senti l'absence de Aïcha radiallahu anha. Et elle est restée à sa place jusqu'à ce qu'elle s'est endormie. Et après, c'est un autre sahabi qui s'appelle Safwan ibn al-Mu'attal radiallahu anha qui était resté à l'arrière de l'armée. Il s'est endormi et c'était un sahabi qui était connu pour avoir un sommeil très lourd. Et comme je vous ai dit, même, c'est rapporté de toute sa tribu qu'ils étaient comme ça. Radiallahu anhu. Et quand il a pris sa monture, il voulait rattraper le musulmane, il a vu Aïcha radiallahu anha à cet endroit. Et il l'a reconnu. Parce qu'il voyait son visage avant la prescription de l'hijab. Avant que le hijab ne devienne obligatoire, le fait de couvrir le visage. Et il a dit, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La mère des croyants, ici, et il lui a placé sa monture, et elle est montée dessus, et il l'a dirigée vers le Médina. Et elle a dit qu'elle n'a pas entendu de lui autre parole que quand il a dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Et il lui a pas adressé la parole sur tout le chemin. jusqu'à ce qu'il a, il a déposé Fil Medina. Et l'armée du des musulmans est arrivée vers le midi, ce jour-là. Est arrivée vers le midi. Et quand les munafiqin ont vu ça, que Aïcha est venue avec Safwan, seul, et qu'ils sont pas venus avec les musulmans, les munafiqin ont commencé à parler et à répandre un bruit, une calomnie, comme quoi il y a eu quelque chose entre la mère des croyants et Safwan ibn Mu'attal, radiyallahu anhu. Et ils ont propagé cette rumeur, ils l'ont nourrie tellement que la plupart des gens avaient entendu parler de cela, jusqu'à ce que c'est arrivé aux oreilles du prophète, alayhi salatu wassalam. Et le Rasoul, alayhi salatu wassalam, était très attristé par ce qui s'est passé. Quand il a entendu cette rumeur, il était extrêmement attristé, alayhi salatu wassalam. Et Aïcha radiallahu anha l'a dit que quand elle est arrivée à la Médina, elle était malade pendant un mois. Et pour elle, elle a rien soupçonné, comme quoi il y a des rumeurs à son sujet, ni quoi que ce soit. Et dès son arrivée, elle était malade pendant à peu près un mois, alors que les gens parlaient de cette rumeur et propageaient cette rumeur, et celui qui la nourrissait et qui la faisait propager, c'était Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Et malheureusement, certains croyants sincères sont tombés dans ces pièges et ont commencé à propager aussi. Ils étaient trois uniquement. Est-ce que les trois ont propagé ou uniquement ils ont cru en cela, ou il y a un seul parmi les trois qui a propagé? Yani, différents avis des savants. En tout cas, les trois sont tombés dans cette erreur. Les trois, comme on a vu hier, c'est Hamna bint Jahsh radiyallahu anha et Hamna bint Jahsh et Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu et Mistah ibn Uthatha radiyallahu anhu. Donc elle est restée malade pendant presque un mois et elle a rien senti et elle a douté de rien. Mais il y a un point qui l'a interpellée, c'est qu'elle a voyé que le comportement du messager d'Allah alayhi salallahu alayhi wa sallam vis-à-vis d'elle a changé. Et quand il rentrait à la maison, il disait « Comment va celle-là ? Comment va celle-là ?» Et il n'était pas comme il était d'habitude. Comme elle a dit Aïcha radiallahu anha, la douceur et les belles paroles qu'elle entendait de lui, tout ça. Mais elle n'a douté de rien quand même. Jusqu'à un jour où elle est sortie avec la mère de Mistah. Elle est sortie avec la mère de Mistah ibn Uthatha radiyallahu anhu. Elle est sortie avec elle et elles ont commencé à parler. Et elles sont sorties faire leurs besoins. Et comme elle a dit Aïcha radiallahu anha, tout ce que je vous dis, c'est dans les deux authentiques, l'authentique de Bukhari et Muslim. Ils sont sortis faire leurs besoins, comme elle a dit Aïcha radiallahu anha, qu'avant, les endroits où ils faisaient leurs besoins étaient éloignés de là où ils habitaient. Avant de construire des endroits spécifiques pour faire leurs besoins qui étaient proches de leur maison. Mais avant, ils n'aimaient pas faire leurs besoins à côté des maisons. Vous imaginez, allez, pas pour le, pour que ça, ça salit pas et ça laisse pas les mauvaises odeurs. C'est pour ça qu'ils s'éloignaient. Mais par la suite, ils ont rapproché les endroits. Ils ont fait comme des toilettes à côté des maisons. Mais c'était toujours pas à l'intérieur des maisons. Et elle est partie avec Ummu Mistah, radiallahu anha. Et elles ont fait leurs besoins. Et à leur retour, la mère de Misbah a failli s'écrouler, a failli tomber. Et elle a dit, malheur à Misbah. Aïcha radiallahu anha s'est étonnée, elle lui a dit, pourquoi tu dis malheur à ton fils, alors que c'est un homme qui a participé dans la bataille de Badr? Comment t'insultes quelqu'un qui a participé dans la bataille de Badr? La mère de Misbah radiallahu anha, radiallahu an Misbah, également, elle a dit, Aïcha radiallahu anha, elle lui a dit, t'es au courant de rien? Et elle lui a dit, elle a utilisé une expression, que toi, t'es une fille naïve. Tu connais pas les gens. Et elle lui a dit, non, j'ai rien entendu. Elle lui a dit quoi? Elle lui a raconté cette rumeur, comme quoi, des gens qui parlent, comme quoi, il y a eu quelque chose entre elles, et Safwan ibn Mu'attal, radiyallahu anhu. Et Aïcha, elle a dit que je suis devenu plus malade que comme je l'étais. Et elle est rentrée chez elle. Et ensuite, Nabi Aïssa salam est entré. Il a dit la même chose. Il a dit, comment va celle-là? Aïcha radiallahu anha lui a dit, est-ce que tu me permets d'aller chez mes parents pendant que je suis malade? Et Nabi Aïssa salam lui a autorisé. Et elle voulait partir chez ses parents pour vérifier la véracité de ces choses. Est-ce que vraiment les gens disent ça? Et Nabi Aïssa salam lui a autorisé, elle est partie chez son père Abu Bakr Siddiq et chez sa mère. Et elle a dit à sa mère, « Oh ma mère, est-ce que tu as entendu ce que les gens disent ?» Sa mère lui a dit, « Ma fille, calme-toi, car par Allah, il n'y a jamais eu une épouse aussi belle que toi chez un homme, et en plus que son homme l'aime, comme le prophète alayhi sallam t'aime, sans que les gens disent du mal d'elle, et cherchent à lui nuire. Donc elle voulait l'apaiser de cette manière. Et Aïcha radiallahu anha a dit, Subhanallah, est-ce que les gens parlent avec ça? Elle est choquée radiallahu anha. Comment on peut l'accuser? Et elle a dit, j'ai pleuré toute cette nuit jusqu'au matinée, jusqu'à la matinée, et elle a pleuré sans cesse. Elle s'est pas endormie. Et Nabi alayhi salatu wassalam, pendant ce temps-là, il a demandé conseil à certains de ses compagnons, il a demandé conseil à Ali ibn Abi Talib et Osama ibn Zayd, radiyallahu anhumah. De ce qu'il devait faire, car pendant tout ce mois, cette rumeur court dans le Medina, et Allah Azza wa Jalla n'a rien révélé à ce sujet. Et subhanallah, on va voir les sagesses dans tout ça, à partir du livre de l'imam Ibn al-Qayyim, Zad al-Ma'ad. Zad al-Ma'ad, c'est un livre dans lequel l'imam Ibn al-Qayyim, en plus de parler de la biographie, il a un côté que tu trouves quasiment nulle part ailleurs, par un savant salafi. C'est tirer les sagesses et les profits de tous ces récits et de tous ces événements qui ont eu lieu dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, il a demandé conseil à Ali ibn Abi Talib, et Ali ibn Abi Talib, il lui a dit au messager d'Allah, les femmes sont nombreuses. Et Allah Azza wa Jal ne t'a pas imposé de te marier avec une telle ou une telle. Donc, Ali radiallahu anhu, sa vision et sa façon de voir les choses, c'est de fermer la porte du mal. Et s'il faut divorcer, tu divorces. Dans le sens, c'est ça. Donc, Ali radiallahu anhu a viser le côté où on ferme la porte du mal. Et il lui a dit, demande à sa servante, elle te dira la vérité. Il a demandé à Barira, radiallahu anha, et elle a dit, je n'ai jamais vu quelque chose de douteux de la part de Aïcha, radiallahu anha. Je n'ai vu d'elle que le bien, excepté que c'est une jeune fille. C'est une jeune fille qui dort des fois, et pendant qu'elle fait la pâte pour faire du pain, et elle laisse la brebis manger, yani la pâte. Et quand il a demandé conseil à Oussama radiallahu anhu, il l'a informé de ce qu'il connaît, de l'innocence de sa femme, de Aïcha radiallahu anha, et il a pris compte de l'amour qu'avait le prophète alayhi sallam pour Aïcha radiallahu anha, et de son innocence, et il a dit, on ne connaît d'elle que du bien. Et ensuite, Nabi alayhi sallam est monté sur le minbar, et il a dit aux compagnons radiallahu anhum, qui me suffit de cet homme ou de ces gens-là qui répondent du mal à mon égard et à l'égard de mon épouse et à l'égard de mon épouse. Et c'est là où Sa'd ibn Mu'ad a dit donc c'est là où Sa'd ibn Mu'ad radiyallahu anhu a proposé de tuer les hypocrites, les ennemis d'Allah, qui parlent mal du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est là où a failli avoir yani cet incident yani entre les deux Sa'd. Ensuite, après cette consultation, après ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc ça c'est un point que j'ai abordé, c'est pour ça que je le passe rapidement ici. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est resté dans cette tristesse et dans cette difficulté pendant tout un mois sans qu'il y ait de révélation à ce sujet. Et Aïcha radiallahu anha, comme elle disait, Elle disait, je savais qu'Allah allait révéler quelque chose à mon sujet et allait m'innocenter. Mais je ne pensais pas que j'avais un statut pour qu'Allah révèle un Coran. Je pensais qu'Allah allait faire voir dans un rêve ou quelque chose comme ça à son messager, à mon sujet, dans lequel il l'informe de mon innocence. Mais je ne pensais pas qu'Allah allait révéler des versets à mon égard. Et subhanallah, c'est ce qui a été fait après le passage de tout ce mois sans qu'il y ait de révélation. Un jour, yani quand Aïcha radiallahu anha elle parlait avec Nabi alayhi sallam, Nabi alayhi sallam lui a dit, ya Aïcha, il m'est parvenu à ton égard ça et ça. Il a cité cette rumeur. Il a dit, par Allah, si tu es innocente, Allah va faire descendre ton innocence. Et si tu as fait un péché, et si tu as commis un péché, demande à Allah le pardon et repens-toi. Car le serviteur, du moment qu'il se repent et qu'il revient vers Allah, Allah lui pardonne ses péchés. Elle a dit, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fini ses paroles, mes larmes se sont arrêtées. Et il n'y avait plus une seule goutte qui sortait. Et mon père m'a dit, réponds au messager d'Allah. Elle a dit, Aïcha a dit à son père, Abu Bakr Siddiq, oh mon père, réponds au messager d'Allah par rapport à ce qu'il vient de me dire. Il lui a dit, par Allah, je ne sais pas quoi dire au messager d'Allah. Et elle s'est tournée vers sa mère et lui a dit, ma mère, réponds au messager d'Allah par rapport à ce qu'il a dit. Elle lui a dit, par Allah, je ne sais pas quoi dire au messager d'Allah. Et ensuite, Aïcha radiallahu anha a dit, et j'étais une jeune fille et je ne connaissais pas beaucoup de Coran par cœur. Donc elle savait pas sortir yani les versets qu'elle voulait. Mais elle a dit au fond de moi, elle a dit, par Allah, vous savez comme je sais de moi que je suis innocente. Mais si je vous dis que je suis innocente, vous n'allez pas me croire. Et si j'avoue quelque chose et Allah sait que je suis innocente, vous allez me croire. Et je ne trouve meilleur comme exemple pour moi et vous, je ne trouve rien de meilleur que ce qu'a dit Yaqub, le père de Youssouf alayhi salam. Il a dit fa sabrun jamil wallahu almusta'an ala ma tasifun. Il a dit je n'ai plus qu'à m'armer d'une digne patience. C'est auprès d'Allah que je chercherai assistance pour endurer ce que vous prétendez. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Et ensuite elle a dit radiallahu anha qu'elle s'est mise sur son lit et elle a dit et par Allah je savais avec certitude que j'étais innocente et que Allah Azzawajal m'innocentera, mais je ne pensais pas avoir un statut où Allah y révélera du Coran à mon sujet. Car mon estime pour moi-même était beaucoup plus bas que ça. Mais j'ai espéré qu'Allah fasse voir quelque chose à son messager dans son sommeil au sujet de mon innocence. Mais Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, a fait descendre dix versets à l'égard de la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha. Et elle a dit, avant que cette assise dans laquelle ils étaient tous présents, le messager, alayhi salatu wassalam, Abu Bakr radiallahu anha et sa mère, et Aïcha, et après toute cette discussion, elle a dit, par Allah, personne n'est sorti de la maison jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ces dix versets à mon sujet dans lesquels il m'a innocenté. Et avant la révélation, elle a dit qu'il est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui lui arrivait habituellement juste avant la révélation. Yani il était pris par une lourdeur, une dureté, au point où il transpire dans une journée où il fait extrêmement froid. Et quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été soulagé après la fin de la révélation, il a souri et il a dit, c'est la première parole avec laquelle il a parlé, il a dit, Abshiri ya Aisha, amma Allahu faqad barra'aki. Amma Allahu faqad barra'aki. Il lui a annoncé la bonne nouvelle. Je t'annonce la bonne nouvelle, Aisha, car Allah t'a innocenté. Et sa mère, à ce moment-là, elle a dit, Aisha radiallahu anha, elle lui a dit, lève-toi et va vers le messager d'Allah et remercie-le. Et elle a dit, par Allah, je ne me lèverai pas vers lui et je ne louerai qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a innocenté. Et Allah a révélé les versets inna alladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum dans sourate An-Nur. Dans le sens approximatif, ceux qui répandent des calomnies sont un groupe parmi vous. Ne croyez pas que ce soit un mal pour vous, mais plutôt un bien. Chacun d'entre eux devra répondre de son péché, mais l'auteur de la plus grande part de ces calomnies aura un terrible supplice. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, c'est lui qui était l'auteur de la plus grande part et qui a propagé ces calomnies. Et quand Allah a révélé ces versets, Abu Bakr, c'était lui qui prenait en charge Mistah, car il était de sa famille. Et il était quelqu'un de très, très pauvre. Et c'est un sahabi qui a participé dans la bataille de Badr. Donc c'est parmi les meilleurs des compagnons. Et il a dit, par Allah, je ne dépenserai plus sur lui après ce qu'il a dit au sujet de ma fille Aïcha radiallahu anha. Et Allah Azzawajal a révélé des versets par rapport à ce que Abu Bakr radiallahu anha a dit. Il a dit: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Que ceux d'entre vous qui vivent dans l'abondance et l'aisance ne jurent point de ne plus donner aux proches, aux pauvres et à ceux qui migrent pour la cause d'Allah, qu'ils pardonnent et qu'ils passent outre. Ne souhaitez-vous pas vous-même qu'Allah vous pardonne? Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Quand Allah a révélé ce verset, Abu Bakr a dit: si je souhaite qu'Allah me pardonne. Et il a continué à donner ce qu'il donnait à Misbah radiallahu anhu, et il a dit: je n'arrêterai jamais cette dépense, يعني jusqu'à ma mort, effectivement. Et Aïcha radiallahu anha, quand elle a été interrogée au sujet de Zaynab bint Jahsh, qui était يعني parmi les épouses du prophète alayhi salam sallam, comme elle disait Aïcha, celle qui l'égalait, qui avait beaucoup de mérite pour elle. يعني pour elle, Zaynab, c'est une épouse parmi les épouses du prophète alayhi salam sallam qui l'a concurrencée dans beaucoup de qualités. يعني dans beaucoup de qualités. Comme elle a dit, c'est la seule qui m'égalait. Et quand elle a été interrogée, Zaynab radiallahu anha, par le prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam, au sujet de ce qu'il a entendu à propos de Aïcha, elle a dit: je n'ai jamais su quelque chose comme ça et je n'ai jamais vu quelque chose comme ça d'elle. Elle a dit: ô messager d'Allah, je préserve ma vue et mon oui. Et par Allah, je ne connais d'elle que le bien. Donc, elle n'a pas été poussée par la jalousie et elle n'a pas profité de l'occasion pour dire du mal de Aïcha radiallahu anha. Et Aïcha radiallahu anha, quand elle évoquait Zaynab radiallahu anha, elle disait: elle a été sauvée avec sa crainte et sa piété d'Allah. Et contrairement à sa sœur Hamna bint Jahsh, comme on a vu, qui est tombée dans la diffusion de cette calomnie, mais elle s'est repentie et Allah l'a purifiée. Et quand Allah a révélé ces versets, Nabi alayhi salatu wa salam a ordonné à ce qu'ils soient jugés ceux qui ont participé dans la diffusion de ces calomnies. Et parmi ceux-là, comme on a vu, Hamna bint Jahsh et Misbah ibn Uthatha et Hassan ibn Thabit radiyallahu anhum. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de les fouetter tous, de leur donner d'appliquer le had sur eux, qui est de 80 fouets. Et Allah Azza wa Jal a décrit dans le Coran, dans les versets qu'il a révélés, yani ceux qui répondent les calomnies, mais il a décrit également les croyants. Les croyants, quand ils ont entendu ces calomnies, ces rumeurs, comment ils se sont comportés? Et c'est comme ça que doivent se comporter les croyants. Ils ont dit: لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ. Si seulement lorsque vous l'avez entendu, les croyants et les croyantes, et rapporté que c'est Abu Ayyub et son épouse, Abu Ayyub al-Ansari et Ummu Ayyub al-Ansariya, radiyallahu anhuma. C'est eux qui ont dit ça. Et d'autres compagnons, c'est rapporté de d'autres. Mais le plus connu, c'est de Abu Ayyub et de son épouse. Et Abu Ayyub et son épouse, c'est ceux qui ont accueilli, si vous vous rappelez, le prophète, pendant un mois, quand il est arrivé à Medina. Si seulement lorsque vous l'avez entendu, les croyants et les croyantes avaient eu une idée plus favorable d'eux-mêmes et avaient dit « c'est manifestement une calomnie ». C'est manifestement une calomnie. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla dit « لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ». Que n'ont-ils pas appelé quatre témoins oculaires, comme dans le sunna, qui ont vu, yani, pour être très clair et très explicite. Il faut ramener quatre témoins, non seulement qui ont vu l'homme sur la femme, totalement nu, qui ont vu l'organe de l'homme en l'organe de la femme. Il faut ramener quatre témoins qui ont vu cette scène comme ça, comme j'ai décrit, et c'est comme ça que j'ai décrit, c'est décrit dans la sunna. Et que chacun de son côté, il va apporter son témoignage de manière séparée et qui vont être en accord, les quatre. S'il y a un qui donne des choses différentes dans lesquelles il contredit les trois autres, alors ils seront fouettés tous, les quatre. Ils seront fouettés tous les quatre. Donc il faut ramener quatre témoins qui ont vu l'acte avec le détail que je vous ai cité et qui décrivent la scène avec exactitude et d'une manière identique. Tout ça pourquoi ? C'est pour préserver l'honneur des musulmines. Et que même si ce péché, yani un musulman devrait tomber dans ce péché et qu'Allah nous en préserve et préserve tous les musulmans. Le musulman n'aime pas ça pour ses frères et ses sœurs. Donc même si ça devrait arriver, se produire, yani c'est rare ceux qui vont oser venir témoigner. Yani regardez, il faut que ce soit quatre témoins. Yani comment trouver quatre personnes ? Ils ont vu l'acte, comme ça. Et il faut qu'ils aient le courage de venir témoigner. Là, si quelqu'un il fait une erreur, il décrit quelque chose qui contredit ce qu'ils ont dit, alors ils seront fouettés tous les quatre. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَى Et s'ils ne ramènent pas, si quelqu'un il fait le qadf à un muslim, il l'accuse de fornication, d'adultère, il ne ramène pas ces quatre témoins oculaires qui ont vu l'acte dans les détails que j'ai cités précédemment. Regardez ce qu'Allah dit. Sinon, s'ils n'ont pas de témoins, ce sont eux pour Allah les menteurs. Subhanallah. Dans le tafsir, imaginons un homme, il a vu la chose comme je vous ai dit. Et il vient, il témoigne seul. Il ne ramène pas avec lui trois autres témoins pour former les quatre témoins. Donc normalement, celui-là, il faut pas qu'il témoigne. Que quand ils sont quatre. Mais imaginons, il vient, il témoigne. Celui-là, on va lui appliquer le had s'il ramène pas trois autres avec lui. Et même s'il a vu l'acte, il n'aura de repentir qu'en disant « j'ai menti », même s'il a vu l'acte. Imaginons, c'est un homme yani véridique, et qui a vu l'acte exactement, et il vient, il témoigne, celui-là n'a de repentir, et c'est un menteur. Il n'a de repentir qu'en disant, j'ai menti, malgré qu'il a vu. Et c'est un menteur, parce que le témoignage ne doit pas être fait dans ces conditions. Que quand ils sont quatre, et qu'ils ont vu la scène, avec les détails cités précédemment. Sinon, ce sont ceux-là, auprès d'Allah, les menteurs. Ce sont ceux-là auprès d'Allah, les menteurs. Et dans le verset précédent, Allah Azza wa Jalla dit, ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ S'ils ne produisent pas quatre témoins pour prouver leur accusation à l'égard des croyants, alors infligez-leur 80 coups de fouet. et ne vous fiez plus jamais à leurs témoignages, car ceux-là sont les pervers. Sont les pervers. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve d'accuser un croyant dans son honneur. Qu'Allah nous en préserve. C'est quelque chose de très grave, mes frères. Et je vous dis ça parce que malheureusement, on a vu à notre époque des gens, à cause les du'fi taqwa, à cause de leur manque de piété et de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils entendent des gens dire des choses au sujet de certains croyants, ils répètent les mêmes choses, sous prétexte que c'est un homme de science qui a dit ça. Oh Allah, il te sauvera ni lui, ni mille comme lui. Mille comme lui ne te sauveront pas auprès d'Allah. Et ne crois pas si tu es sauvé de la justice d'Allah fi dunya, et que le had ne t'est pas appliqué fi dunya, toi qui réponds ça, et qui suis ces gens-là, ne crois pas que tu seras sauvé entre les mains d'Allah Azzawajal. Sauf si Allah il te fait miséricorde, il te pardonne. Si tu ne payes pas fi dunya, tu payeras fi akhira. C'est pour ça les savants ont cité que ceux qui ont été auxquels had a été appliqué, la sentence a été appliquée, ce sont les croyants sincères. C'est Hamna et Hassan et Misbah radiyallahu anhum. Mais le munafiqin, ça leur a pas été appliqué. Parmi les sagesses, et je vais vous lire ce que dit Ibn al-Qayyim rahimallah, parmi les sagesses, c'est qu'Allah azzawajal a voulu purifier les croyants sincères. Mais les hypocrites, il leur a gardé le plus terrible des châtiments dans l'au-delà. Et afin qu'ils soient pas purifiés dans l'akhira, dans dunya. Et leur châtiment, il le rend complet dans l'akhira wal'iyadu billah. Qu'Allah nous en préserve. Donc attention à ce que tu sors avec ta langue. Et c'est pas pour faire triompher et soutenir un homme que tu dois répondre tout et n'importe quoi. Tu seras jugé seul et tu ne seras pas jugé avec lui ou avec l'autre. Et tu n'auras pas d'excuses si tu répètes des choses sans savoir leur véracité. Et subhanallah, les gens ils disent, on a vu une vidéo. Et malheureusement, j'ai vu des gens, wallah, ils avaient la barbe blanche. Na'udhu billah. Devant Cheikh Rabih, hafidhahullah, ils voulaient lui montrer la vidéo. Et Cheikh Rabih, subhanallah, ces gens-là, ils ne connaissent pas la biographie de cet homme qui a passé sa vie dans talab al-ilm et dans la piété depuis tout jeune. Nahsibu wallahu hasibu wa la nuzakki 'ala Allahi ahada. Il ne connaît pas ces choses-là. Et Ada, il vient, il veut lui montrer une vidéo, soi-disant d'un homme qui embrasse une femme, qu'ils ont accusé de fornication à cause de cette vidéo. Et, subhanallah, le père de cette femme qui est dans la vidéo est venu jusqu'au tribunal, ici en Arabie Saoudite, fil Madina, et il a témoigné que c'est le mari de sa fille, que c'est son épouse. Et que c'est des gens qui ont pris son portable et qui ont propagé ces choses-là. Et de toute façon, yani, même ceux qui ont propagé cette vidéo, ils se sont repentis. Et d'autres, ils continuent à persister et à propager ces choses-là, rien que pour défendre leur cheikh. Wal'iyadu billah. Imaginons le pire des scénarios. Et wal'iyadu billah, je cherche refuge auprès d'Allah de penser ça d'un musulman. Mais imaginons un autre homme, ce cheikh, il est entré dans une mosquée, il a parlé avec ce qu'il a dit à l'égard d'un autre musulman. Et imaginons que c'est vrai pour ce musulman. Il est tombé dans zina, wal'iyadu billah. Imaginons que c'est vrai. Est-ce que ce cheikh a le droit de venir dans une mosquée et de répondre ces choses-là, ou il nous est demandé de couvrir le musulman et de protéger son honneur et de protéger sa dignité? Pour quelle raison ce cheikh il vient dans une mosquée et dit cet homme il a fait zina? Il a dit ahir. Et ça, chez les savants, c'est une formule explicite pour décrire quelqu'un de fornicateur. Donc nous, on ne rentre pas dans ces détails. Ça, c'est entre les mains des tribunaux ici, qui jugent avec la loi d'Allah, ils vont juger. Malgré, comme il a dit Cheikh Rabi' al-Salafi, il n'attend pas les jugements des tribunaux. Le haqq, il est clair. Donc, imaginons le pire des scénarios, cet homme, vraiment, il est tombé dans ça. Est-ce que ça légitime ce cheikh à venir dans une mosquée? Ce cheikh qui a la barbe blanche, il vient dans une mosquée, il parle avec des choses comme ça, il décrit cet homme comme quoi c'est quelqu'un qui est dans les bars, qui est dans les discothèques, qui est dans les... N'a'udhu billah, c'est quoi ça? Est-ce que ça, c'est pas quelque chose de laquelle il doit se repentir de toute façon? Sans parler de l'qadf. Ça, c'est une autre affaire. Et toi, ne suis pas les gens dans ça. Suis le haqq. Wa iyyaka wa ta'assub. Sois en garde contre le fanatisme. Ça, c'est une erreur de toute manière, quoi qu'il arrive. Même si on s'imagine le meilleur des scénarios pour lui, que cet homme, vraiment, il a ces choses-là. Est-ce que ça l'autorise à venir répéter ces choses-là? Ou il doit couvrir le muslimin? Si lui, il couvre pas le muslimin, c'est qui va le faire? Les ignorants? Si les ulama, ils font pas ça. Et subhanallah, on trouve des gens qui suivent dans cet égarement évident. Walakin Allah Azza wa Jal, il dévoile les maladies du cœur à travers ses épreuves et à travers ses fitnes. On a vu maintenant ce qu'ils disent de Cheikh Rabi' et de Cheikh Ubaid et de Cheikh Abdullah al-Bukhari. Tout le mal qu'ils disent de ces savants. Et on a vu qu'ils se sont éloignés d'eux et de leurs cours. Pour ceux qui ont des cours, ils n'assistent plus. Ça veut dire que c'est des gens qui avaient déjà des maladies dans le cœur, qu'Allah Azza wa Jalla a permis de dévoiler. Alhamdulillah, da'wa salafia continue. Il ne faut pas perdre de temps avec les gens comme ça. Surtout ceux qui connaissent le haqq. Ceux qui connaissent le haqq, il ne faut pas perdre de temps avec eux. C'est un hawa pur. Ils suivent la passion. Sous prétexte qu'un étudiant a des erreurs, ou qui n'a pas d'erreur? Toi, tu n'as pas d'erreur. Toi, tu es un ange. Toi, tu es un prophète. T'as pas d'erreur. Tout le monde tombe dans les erreurs. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on se comporte avec quelqu'un qui est tombé dans une erreur? Ou on lui montre son erreur et il revient vers le haqq? Ou après, il y a une autre catégorie. C'est des gens qui ne suivent pas du tout le manhaj salafi et qui ont eu un problème avec le manhaj salafi depuis toujours. Mais là, ils ont eu l'occasion de sortir leur venin. Et qu'Allah nous en préserve. Walhamdulillah, salafi, il doit rester ferme. Il doit rester sur les acquis et les bases qu'il a connues de sa religion. Et pas à n'importe quel trouble, il change de clan. Et il change de position. Salafi, il reste ferme sur la même voie jusqu'à rencontrer Allah sur le haqq. Et l'avènement de ces troubles ne font que le raffermir sur le haqq qu'il a connu avec science. Donc c'est ou bien des gens qui n'ont jamais connu la salafia, comme je l'ai entendu de Cheikh Rabi', hafidhahullah. Et subhanallah, ce qui t'étonne, c'est comment, yani subhanallah, un désaveu aussi fort que ces hommes-là n'avaient pas vis-à-vis des innovateurs et des égarés, aujourd'hui, il l'applique sur salafiyin. Et l'erreur de ces salafiyin, c'est qu'ils ont suivi les grands savants. C'est qu'ils ont suivi les grands savants. Imaginons Cheikh Rabi'. Donc, subhanallah, comme j'ai parlé de ce point, imaginons que Cheikh Rabi', hafidhahullah, dans cette fitna, il n'a pas la bonne position. Il a les outils qu'il a, les éléments qu'il a en main, il les a étudiés, il est sorti avec un jugement, imaginons que ce jugement n'est pas la vérité. Est-ce que c'est pour autant qu'on doit dénigrer Cheikh Rabi' et le boycotter? Un homme qui a passé sa vie dans la défense de la sunna, et subhanallah, la plupart de nous, on a connu Salafia par cet homme. Et on lui tourne le dos aujourd'hui, et permettez-moi l'expression, on permet aux clochards, na'oudou billah, des gens qui n'ont jamais étudié dans leur vie, qui n'ont jamais ouvert un livre, on leur permet de critiquer, de dénigrer Cheikh Rabi Hafidhallah. Pour nous, ce n'est pas un homme infaillible. Il fait des erreurs comme tout le monde. Mais ce n'est pas avec des choses comme ça qu'on se permet de dénigrer les savants. Ce n'est pas avec des choses comme ça qu'on se permet de critiquer et de dénigrer, et surtout des gens, des ignorants. Ils leur ont ouvert la porte et ils écrivent des choses et Cheikh, il préface. Et tout le monde parle. Et il est où le manhaj salafi? De revenir vers les savants, les grands parmi les savants, les spécialistes dans le jarh et ta'dil. Elles sont où ces règles qu'on a connues avant? Et maintenant, subhanallah, t'entends de certains qui étaient avec salafiyin, t'entends d'eux des paroles que ne disaient avant que les égarés. Que le maghraouyin, le halabiyin et le maribiyin. T'entends d'eux les mêmes paroles, exactement. C'est parce que tu dis salafi que tu as le droit de dire ça maintenant? Cheikh Rabi', il est influencé par son entourage. Cheikh Rabi' a vieilli, il est très malade. Subhanallah, les mêmes choses qui se disaient avant, mais avant tous on était d'accord que celui qui dit ça, c'est des gens malades, qui ont besoin d'être soignés. Des gens qui ont des problèmes avec le manhaj salafi. Mais aujourd'hui quelqu'un, yani, qui se dit salafi, il se permet de dire les mêmes choses. Donc je disais, Cheikh Rabi, imaginons il n'a pas la bonne position. Imaginons il s'est trompé. Ça c'est le pire des scénarios que tu puisses imaginer. Est-ce que pour autant qu'on le boycotte et le dénigre, yani, ceux qui vivent le Madina, ils savent que celui qui a commencé cette fitna, il n'a pas rendu visite à Cheikh Rabi depuis presque 3 ans maintenant, aujourd'hui, ni à Cheikh Ubaid, Hafidhahullah. Alors que peu de temps après, avant, il prenait l'avion pour aller jusqu'à Jeddah lui rendre visite à l'hôpital. Il restait 1 heure, il revenait. Il allait lui rendre visite jusqu'à Jeddah. Aujourd'hui, il est à 3 minutes de sa maison. Et il lui rend plus visite. Ça veut dire que c'est une alliance, c'est un désaveu sur ce point. T'es avec moi ou contre moi? Et ça, c'est très très dangereux. C'est très dangereux. Et ça, ça montre l'égarement. Et que cet homme a changé. Et il n'est plus le même qu'on a connu, qui était dans le respect des savants. Et quand on rendait visite à Cheikh Rabi' et qu'il était présent, il ne parlait pas en présence de Cheikh Rabi'. Et quand j'étais chez Cheikh Zayed, rahimahullah, il nous a rendu visite là-bas également, et on lui a demandé de nous faire un rappel, il a refusé de parler. Il a dit, « إذا جئتم إلى البحر كفاكم السواقي » Quand vous venez à la mer, ça vous suffit les petits lacs et les ruisseaux. Et ça c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on aimait cet homme. Et qu'on l'admirait. Et par Allah, il était plus aimé à nos cœurs que nos pères et nos mères. Par Allah, je le dis. Et c'est comme ça que c'était. Car on voyait chez lui le respect des savants. Des grands savants. Et pendant leur présence, wallah, il ne parlait pas. Et il nous le disait, que quand il y a Cheikh Rabi' et Cheikh Ubaid, moi je ne parle pas. Et il nous l'a dit, comme je vous ai dit, chez Cheikh Zayd, rahimahullah, également. Et aujourd'hui, il n'y a plus de visite depuis plus de 3 ans. Il y a à peu près 3 ans, exactement, 3 ans. Alors que Cheikh Rabi', et tous vous savez comment il est sur son lit. Plus une seule visite. Parce qu'il n'est pas d'accord avec toi, le Hajar, à ce point-là. Enfin, passons à la critique de Cheikh Abdallah al-Bukhari. Cet homme a critiqué Cheikh al-Bukhari, il a dit que c'est un menteur. Elle est où la preuve sur cette critique? Cite-nous le mensonge. Où est-ce qu'il a menti? Où est-ce qu'on critique les savants comme ça? Rien que ce point. Ou bien il ramène des preuves et on accepte de lui, et s'il ramène pas de preuves, alors il doit faire tawbah. Sinon, ceux qui critiquent les savants salafiyins, c'est connu, c'est les innovateurs, c'est pas les salafiyins. Alamatu ahli al-bid'a al-waqi'atu fi ahli al-athar. Le signe le plus clair et le plus évident qui caractérise les gens de l'innovation, c'est leur critique non fondée vis-à-vis des savants de la trace, des savants salafiyins. Et aujourd'hui, les gens, ils acceptent ça et ils te disent, yani, comme ça, normalement, comme s'il a fait aucun mal, moi je suis avec Cheikh Antel. T'es avec lui dans quoi? Est-ce que tu sais dans quoi tu le suis? Tu le suis que Cheikh Rabi, il faut le boycotter? 3 ans, tu le boycottes comme lui? Tu le suis que Cheikh al-Bukhari, Cheikh Ubaid également? Et tout ce qu'il a dit de Cheikh Ubaid? Il ne vaut pas une pièce de monnaie, et ainsi de suite. Et tout ce qu'il a dit de Cheikh al-Bukhari, hafidhahullah, tu le suis également dans ça? Et subhanallah, ces gens-là, ça démontre qu'ils n'ont jamais connu ce cheikh. Et ceux qui le connaissent de très près, c'est pour ça qu'ils n'osent pas parler aujourd'hui. Ceux qui le connaissent de très près, ils savent que tout ce qui se dit aujourd'hui sur cet ulab, c'est lui qui disait ça. Il y a certains critiques à l'égard de certains hommes de science. C'est lui qui avait ces critiques. Et ils les ont pris de lui. Et aujourd'hui, il fait les éloges de gens qu'il critiquait auparavant. Et ça, subhanallah, ceux qui étaient proches, ils savaient ça. Ils ne peuvent pas le nier. Wallahi. Ça démontre qu'il a changé. Comme il a dit Cheikh Rabi Hafdallah, il a changé. Qu'Allah nous rafferdisse sur le haqq et nous pardonne nos péchés. Subhanallah, on voulait... Yani, alhamdulillah, on a parlé de ces deux événements et on les a détaillés plus par rapport à ce qui a été fait dans le cours précédent. Inch'Allah, le prochain cours, nous allons parler de Sulh al-Hudaybiyah, l'allégeance de l'Hudaybiyah, le pacte de l'Hudaybiyah, qui est un pacte très très important, qu'Allah Azza wa Jalla décrit dans le Coran, dans Surah al-Fatih, en disant « Inna fatahna laka fatham mubina » « Nous t'avons accordé une victoire évidente » Et nous allons voir ça dans les détails بإذن الله تعالى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك نتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.